De retour à Futur Simple, Valérie Levée au microphone de CKRL 89.1. Que ce soit à l'épicerie ou à la pharmacie, il est difficile d'échapper aux allégations santé. Plusieurs emballages d'aliments ou de suppléments alimentaires semblent promettre de booster notre immunité, de nettoyer notre corps des toxines accumulées ou de combattre l'inflammation. Mais c'est pas toujours évident de savoir ce que tout cela signifie et surtout si ces promesses sont réellement fondées. Clémence Desjardins est nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université Laval et elle va nous aider à y voir plus clair pour et explorer si les vertus mises de l'avant par ces allégations sont plausibles sur le plan physiologique. Bonjour Clémence. Bonsoir. Alors avant de plonger au cœur du sujet, puis un petit peu à titre de mise en contexte, je serais curieuse d'en connaître un peu plus sur la réglementation en ce qui a trait aux allégations santé. Est-ce qu'il y a des lois en lien avec l'étiquetage pour s'assurer que les industriels utilisent des allégations véridiques sur les emballages de leurs produits? Bien, il y a de la réglementation, mais c'est pas toujours très objectif, puis ça dépend aussi du type d'allégation, puis de ce qui est mis de l'avant. Donc, quand on parle des allégations relatives à la teneur en nutriments, c'est pas mal spécifique puis c'est assez clair. Donc, par exemple, pour pouvoir dire qu'un aliment, c'est une source de fibres, il faut que l'aliment en contienne au moins 2 grammes par portion. Puis, pour dire que l'aliment est riche en fibres, c'est au moins 4 grammes par portion. Donc, ce sont des seuils quand même assez spécifiques et objectifs. Puis, c'est le même principe aussi pour les autres nutriments, là, comme les protéines, le calcium, la vitamine C, par exemple. Mais évidemment, là, les seuils sont différents. Mais d'un autre côté, quand il est question des allégations relatives à la santé, le principal critère, c'est que l'étiquetage ne doit pas être faux, trompeur, mensonger ou susceptible de créer une fausse impression. Donc, ce sont vraiment les mots là, utilisés par Santé Canada. Donc, on peut voir que c'est assez subjectif puis qu'il y a définitivement une certaine place à interprétation à ce niveau-là. Oui, effectivement. Dans un cas, on peut doser. Donc, il y a des machines qui vont doser, qui vont dire qu'on a 5 grammes ou 10 grammes. Mais sinon, trompeur ou susceptible de créer une fausse impression, on comprend qu'il y a place à l'interprétation. Mais puisque la réglementation est assez floue en lien avec les allégations santé, ça explique pourquoi on peut en voir de toutes les couleurs sur les emballages d'aliments ou de suppléments alimentaires finalement. Maintenant, si on entre dans le vif du sujet, on pourrait commencer avec les mentions relatives au système immunitaire. Avec l'hiver qui est à nos portes, c'est aussi la saison du rhume et de la grippe qui commence. Donc, des allégations du genre « boost l'immunité » ou « supporte le système immunitaire » sont mises de l'avant là en ce moment. Qu'est-ce que le système immunitaire et comment l'alimentation pourrait influencer notre système immunitaire? Bien, le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules, des tissus, des organes qui nous aident à nous protéger contre les maladies et les pathogènes, donc les intrus là, comme les bactéries et les virus, par exemple. Puis ce qu'on mange, ça influence notre système immunitaire, mais ça influence aussi tous les autres systèmes de notre corps. Donc, c'est certain que si on a des carences en un ou plusieurs nutriments, notre système immunitaire ainsi que tous les autres systèmes de notre corps vont pas fonctionner de façon optimale. Mais autrement, si on a une alimentation variée qui nous fournit tous les nutriments dont notre corps a besoin au quotidien, ben ça veut pas dire, c'est sûr, qu'on tombera jamais malade, mais en même temps, c'est certain que ça aide beaucoup notre système immunitaire à mieux fonctionner. Et si on en croit les produits qui disent pouvoir booster notre immunité, c'est un mot qu'on voit ça souvent, ça booster notre immunité. J'imagine qu'il est possible d'avoir un système immunitaire ultra performant si on a une alimentation plus que parfaite. Mais il me semble que ce serait bien quand même d'avoir un système immunitaire super performant, non? À vrai dire, non, parce que si certains aliments ou suppléments avaient le pouvoir de rendre notre système immunitaire encore plus performant si notre système immunitaire fonctionne déjà bien, ça serait problématique, ça serait très problématique parce que on aurait tous et toutes des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou la sclérose en plaques, pour en donner quelques exemples. Donc, définitivement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Oui, effectivement. Puis dans ces maladies-là, le système immunitaire est justement en quelque sorte trop fort. Donc, il va s'attaquer au corps de la personne elle-même plutôt que de juste s'attaquer aux intrus comme aux virus et aux bactéries. Donc, il y a un équilibre là. Il faut un bon système immunitaire, mais pas super bon. Alors, comment on fait pour avoir un système immunitaire en santé, pour qu'il soit assez fort pour éviter de tomber malade au quotidien, mais pas trop fort pour ne pas avoir une maladie immunitaire non plus? En fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il ne faut rien faire de bien particulier. L'important, c'est d'avoir des saines habitudes de vie, donc bien dormir, gérer son stress, faire de l'activité physique régulièrement, puis avoir une alimentation diversifiée et équilibrée. Puis tout ça, ça va permettre d'optimiser tous les aspects de la santé, incluant le système immunitaire, mais pas juste le système immunitaire. Puis, si vous pensez avoir des problèmes de santé en lien avec votre système immunitaire, si vous pensez qu'il ne fonctionne pas bien, c'est vraiment important d'aller consulter un ou une professionnelle de la santé pour investiguer qu'est-ce qui pourrait en être la cause. Si, par exemple, c'est dû à une déficience en certains nutriments, la solution va être d'adapter son alimentation ou de prendre des suppléments pour ces nutriments spécifiques-là. Puis, si le système immunitaire est affaibli en raison d'une autre condition, comme par exemple pour le diabète ou une maladie auto-immune, c'est vraiment important d'être pris en charge avec les traitements appropriés à ces conditions-là. Oui, effectivement. Puis, j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler d'alimentation et d'immunité sans parler de vitamine C, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Je prends des vitamines C pour ne pas être enrhumée ou pour guérir mon rhume. Donc, particulièrement durant la saison du rhume et de la grippe, on entend souvent qu'il faut augmenter notre consommation de vitamine C pour se protéger contre ces virus. Et j'ai l'impression que plusieurs compagnies misent sur cette croyance populaire pour enrichir leurs produits en vitamine C et ajouter une allégation en lien avec l'immunité. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de consommer plus de vitamine C dans ce contexte? Oui, définitivement, c'est une allégation qu'on voit souvent. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que pour combler ses besoins en vitamine C, ses besoins quotidiens, il faut manger environ un kiwi ou une orange ou un poivron cru. Donc ça, c'est juste quelques exemples. Tout ça pour dire que dans la grande majorité des cas, pour la grande majorité des gens, c'est très, très, très faisable de combler ses besoins uniquement avec les aliments. En fait, c'est plus de 97% de la population canadienne qui a des niveaux suffisants de vitamine C. Puis, donc, c'est pas 100%, mais pour les 3%, les autres 3%, c'est des personnes qui vont avoir, par exemple, des problèmes d'absorption, comme, par exemple, qui ont des maladies intestinales très sévères ou des personnes qui ont une maladie rénale puis qui font de la dialyse. Donc, c'est définitivement pas la majorité des gens. Puis, la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble, c'est-à-dire que si on en consomme plus que ce que notre corps a besoin, ça va simplement être éliminé dans l'urine. L'excédent va être éliminé dans l'urine. Donc, si vous n'avez pas une condition médicale particulière puis que vous mangez des fruits et légumes chaque jour, prendre un supplément de vitamine C ou un aliment enrichi en vitamine C, c'est littéralement comme jeter son argent dans la toilette. Ouais, ça c'est bien de dire ça. Comme moi, on va s'en souvenir, là. Ouais. Une bonne image. Maintenant, Clémence, on va passer à un autre type d'allégation qu'on voit souvent. C'est celles qui mettent de l'avant les propriétés anti-inflammatoires des aliments ou des suppléments alimentaires, donc comme les indications du genre combat l'inflammation ou pouvoir anti-inflammatoire. Mais d'abord, avant de voir ces allégations, en fait, c'est quoi exactement l'inflammation? L'inflammation, c'est une réponse normale du corps humain à une maladie, à une blessure ou à un intrus. Encore là, un intrus comme un virus, une bactérie ou un produit chimique toxique. Donc, c'est un processus qui est vraiment important parce que ça permet au corps de combattre l'intrus et de finir par guérir. L'inflammation, c'est provoqué par le système immunitaire, puis comme on vient justement d'en discuter, c'est le système qui est en charge de nous protéger contre ce qui pourrait nous rendre malade. L'inflammation, ça peut être aiguë, donc un exemple, c'est lorsqu'on se coupe, ça va enfler, ça va rougir, ça devient chaud, mais c'est pas quelque chose qui va durer très longtemps. Donc, c'est juste le temps que ça cicatrise. Puis, la fièvre, c'est un autre exemple de réponse inflammatoire aiguë qui va permettre au corps de combattre un virus de plus efficacement, comme le virus de la grippe, par exemple. Puis l'inflammation, ça peut aussi être chronique, c'est-à-dire que ça va être un niveau d'inflammation plus faible, mais qui va durer très longtemps. Puis ça va durer même s'il n'y a pas de blessure ou d'infection. Et à ce moment-là, ben ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, les personnes avec des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde qui est pas pris en charge, qui est pas traité, ben ces personnes-là vont avoir de l'inflammation chronique. D'accord. Donc il y a l'inflammation aiguë ou chronique et les aliments ou les suppléments qui se disent anti-inflammatoires, à quel type d'inflammation ils font référence? Ben ça va dépendre de ce qui est mis de l'avant, mais ça peut être autant un type que l'autre type. Quand l'allégation suggère que l'aliment ou le supplément en question peut aider à guérir, là, je mets des guillemets, guérir le rhume ou la grippe, ça fait référence à l'inflammation aiguë. Mais l'inflammation, c'est vraiment essentiel là, pour combattre les virus. Donc, c'est important en fait que le corps puisse mettre en place ce processus-là. Souvent, les aliments où les suppléments vont simplement aider à soulager les symptômes de façon temporaire, mais sans plus. Donc, par exemple, un jus de gingembre très concentré ou une boisson chaude qui pourrait avoir un effet décongestionnant puis aussi un effet réconfortant là, quand on se sent pas super bien physiquement. Mais dans le cas des maladies virales comme le rhume et la grippe, la meilleure façon d'aider le corps à se rétablir rapidement, c'est en étant en bonne santé en général. Puis pour être en bonne santé, ben il faut avoir des bonnes habitudes de vie comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est important que ce soit des bonnes habitudes de vie sur le long terme, à longueur d'année, pas juste l'hiver durant la saison du rhume et de la grippe. Oui, ou pas seulement juste après les fêtes quand on a des bonnes intentions pour l'année puis qu'on les continue pas. Exactement. Donc c'est toute l'année. Et qu'en est-il des mentions, des allégations en lien avec l'inflammation chronique? Ben les produits qui disent pouvoir réduire l'inflammation dans le corps, par exemple, ça fait effectivement allusion à l'inflammation chronique. Mais encore une fois, si on a de l'inflammation chronique, c'est parce qu'on a un problème de santé qui cause cette inflammation chronique. Donc, c'est vraiment important d'être pris en charge par des professionnels de la santé pour recevoir les traitements appropriés. Puis, c'est certainement pas un aliment ou un supplément qui va permettre de résoudre ce problème-là. Bien, alors on a vu donc les allégations de type inflammation. Les premières dont tu as parlé, ça y est, je les ai déjà oubliées. Immunité. Comment tu dis? Immunité. Immunité, système voilà. Immunitaire. Booster le système immunitaire. Mais il y en a encore d'autres, hein, des allégations. On dirait que dans le marketing, il y a beaucoup d'imagination pour nous pousser à acheter les aliments. Et donc, il y a aussi les allégations de type détox. Aide à détoxifier le corps ou contribue à la détoxification de l'organisme. En fait, si on veut être détoxifié, ça insinue qu'on a des toxines, en fait. Mais alors, c'est quoi ces toxines? les toxines, ce sont des substances dangereuses pour le corps, puis qui peuvent être dommageables s'il y en a trop qui s'accumulent dans le corps. Donc, l'alcool, les métaux lourds comme le mercure, puis les produits chimiques, ce sont tous des toxines avec lesquelles on entre en contact quand même sur une base régulière. Puis, même notre corps lui-même produit des toxines au quotidien. Par exemple, le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on expire, ben c'en est une toxine. Puis c'est justement pour ça que nos poumons s'en débarrassent en expirant cette substance-là. Donc, on possède plusieurs organes comme le foie, les reins, les poumons, la peau, puis les intestins qui ont pour rôle justement d'éliminer ces toxines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, notre corps est quand même bien fait, hein? Il est capable de se débarrasser de ses toxines par lui-même. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais est-ce que ça peut être tout de même être pertinent de prendre un aliment ou un supplément pour aider notre corps à se détoxifier? Mais aucun aliment ou supplément a le pouvoir de détoxifier le corps davantage que le fait déjà nos organes. Si on a réellement trop de toxines dans le corps, comme si on ingère un produit chimique toxique, ben c'est vraiment à l'urgence qu'il faut aller. Ça va nécessiter des interventions médicales, c'est certain, pas juste un supplément. Puis, si nos organes ne fonctionnent pas bien, comme chez les personnes avec une maladie rénale chronique, par exemple, ben encore une fois, c'est des traitements médicaux que ça prend, comme la dialyse. dans tous les cas, un aliment enrichi ou un produit de santé naturelle pourra jamais avoir ces effets-là. Mais je crois aussi que le terme détox est parfois utilisé pour insinuer un certain effet laxatif. Donc ça donne l'impression qu'en se débarrassant des déchets accumulés dans nos intestins, finalement, est-ce que je me trompe? On a aussi cette utilisation-là? Oui, c'est souvent utilisé comme allégation, mais parce que c'est pas tout à fait faux. Aller à la selle, c'est effectivement un des mécanismes naturels de détoxification de notre corps grâce à nos intestins. Mais prendre des substances laxatives, c'est pas nécessairement une bonne idée, surtout pas sur le long terme, parce que on peut devenir dépendant de ces substances-là et avoir besoin d'en prendre des doses de plus en plus importantes pour qu'elles soient efficaces. Dans les faits, la meilleure manière d'avoir un transit intestinal régulier puis de se détoxifier naturellement au quotidien, là, pour utiliser les mêmes mots, c'est de consommer suffisamment de fibres et de bien s'hydrater. Donc, les fibres, ça se trouve dans tous les aliments végétaux peu transformés, les fruits, les légumes, légumineuses, grains entiers, noix et graines. Donc, c'est une autre des nombreuses bonnes raisons de consommer ces aliments-là sur une base quotidienne, en plus de tous les nutriments qu'ils fournissent à notre corps. Exactement. Alors, autre allégation, l'alcalinisation. Qu'en est-il des mentions relatives à l'alcalinisation? Donc, à la capacité de certains aliments de réduire l'acidité dans le corps. Alors, est-ce que c'est fondé? Peut-être que pour commencer, qu'est-ce que c'est en fait? On va faire un petit peu de chimie. En fait, ça veut dire quoi, alcaliniser? Oui, c'est un mot qui a beaucoup de syllabes. Ouais. Oui, c'est important de faire une petite mise en contexte. Là. En fait, le terme alcalin, l'adjectif, ça fait référence au pH, donc à l'acidité d'une substance, ou plutôt à son absence d'acidité, parce que l'alcalinité, c'est uniquement l'opposé de l'acidité. L'acidité, on mesure ça avec une échelle de pH qui varie de 0 à 14. Une substance acide, comme le vinaigre ou le jus de citron, des grands classiques, c'est un pH d'environ 2 ou 3, donc un pH faible. Puis une substance neutre, comme l'eau, c'est un pH de 7, donc qui est en plein au milieu, là, entre 0 et 14. Puis une substance alcaline va être à l'autre opposé, donc l'eau de Javel, par exemple, c'est une substance alcaline, ça va avoir un pH de 11 ou 12, donc un pH élevé. Et Clémence, en temps normal, là, les aliments qu'on mange, comment est-ce qu'ils affectent le pH de notre corps? Mais notre estomac, c'est un milieu très, très acide, un pH autour de 1 ou 2. Puis la plupart des aliments qu'on mange là, dans une alimentation normale, ça a un pH de moins de 7, donc ce sont des aliments acides, légèrement acides ou très acides. À vrai dire, c'est ça, une alimentation normale, il y a quand même peu d'aliments là, qui sont alcalins. Puis si on ingère des substances qui sont très alcalines, comme l'exemple de l'eau de Javel, ben en fait, c'est dangereux pour la santé. On peut pas consommer beaucoup de quelque chose d'alcalin, de très alcalin. En fait, c'est ça, la plupart des produits nettoyants comme l'eau de Javel, ce sont des substances alcalines, donc on sait très bien que ces substances-là sont toxiques. Mais normalement, on n'a pas vraiment envie d'en boire, hein, de l'eau de Javel. Non, le lait, est-ce que le lait, c'est pas un peu alcalin? C'est où le lait là-dedans? Oui, ça peut être légèrement alcalin, sauf quand il est passé date et qu'il caille. Là, c'est rendu acide. Donc, c'est ça, au niveau de l'estomac, c'est un milieu très, très acide qui n'est pas du tout alcalin. Puis, pour ce qui est du sang maintenant, parce que, ultimement, quand on parle du pH de notre corps, c'est plus du pH du sang qu'on parle. Ça, c'est légèrement alcalin. Un pH entre 7,35 et 7,45. Donc, c'est des valeurs très, très spécifiques, un intervalle très, très restreint. Puis, si le pH du sang va en dehors de cet intervalle-là, ben c'est potentiellement fatal. Là. C'est aussi grave que ça. D'accord. Donc, de même, tout à l'heure, tu as dit, avec le système immunitaire, on ne veut pas le booster parce qu'on ne veut pas avoir de maladies auto-immunes. Ben, de la même manière, ce n'est pas souhaitable d'alcaliniser son sang parce que ce serait aussi très dangereux, finalement. Oui, exactement. Ben, tout comme pour l'immunité, ben c'est pas possible non plus de modifier le pH de son sang avec des aliments ou avec des suppléments parce que notre corps met en place des nombreux mécanismes pour justement éviter ça parce que c'est tellement dangereux. Puis si on pouvait modifier le pH de notre sang en mangeant certains aliments, c'est parce qu'on est très malade, puis parce qu'il y a des organes qui ne fonctionnent pas bien, comme les reins, par exemple. S'ils ne fonctionnent pas bien, ben là, oui, le pH du sang va pouvoir changer de façon dangereuse. Mmh. Puis au risque de me répéter, si c'est le cas, s'il y a des organes qui ne fonctionnent pas bien, ben ça prend assurément une intervention médicale. Mmh, exactement. Clémence, au début de l'entrevue, tu mentionnais que l'étiquetage ne doit pas être trompeur ou susceptible de créer une fausse impression auprès des consommateurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement en tant que consommateur si on estime qu'une allégation est douteuse ou trompeuse? Santé Canada recommande aux personnes qui ont des préoccupations par rapport à l'étiquetage de communiquer directement avec la compagnie pour tenter d'avoir plus d'informations. Puis, si la réponse de la compagnie est insatisfaisante, on peut se tourner là, vers l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ou ACIA. Donc, c'est important finalement de garder un esprit critique hein, quand on voit les allégations santé sur les emballages d'aliments et puis de se questionner quant à leur pertinence et leur véracité. Puis, si on a des doutes, on peut toujours contacter la compagnie ou se tourner, comme tu le disais, Clémence, vers l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Alors, merci beaucoup, Clémence, pour cet éclairage sur les allégations santé sur les aliments. Peut-être qu'on va y faire un petit peu plus attention la prochaine fois qu'on ira à l'épicerie. Merci, Clémence. Merci. Et je rappelle que Clémence est nutritionniste et étudiante au doctorat.